Aux assassins. Rentré à l'hôtel de Charmeuse, le contre-roger passa dans son fumoir, alluma un havane, roula un fauteuil près de la cheminée où flambait un bon feu de hêtre, et s'y installa en sifflotant un air de chasse. Il était résolu à attendre là le moment d'opérer. Son plan était simple et audacieux. Vers 10 heures du soir, il irait prendre l'enfant dans la chambre où Valentine avait été couchée. Il sortirait par la petite porte basse, sauterait dans un fiacre, et en route pour Montmartre, ni vu ni connu. Il passa le reste de la journée à convenir de ses moindres paroles pour l'avenir devant la comtesse, devant Valentine et devant les domestiques eux-mêmes. La nuit fut vite venue. Roger se fit servir à dîner dans son appartement et mangea avec la sobriété d'un homme qui veut garder ses moyens d'action. Malgré toute son audace, il était ému et troublé. Ce qu'il avait fait la nuit précédente, ce qu'il allait faire, lui apparaissait comme une nécessité logique. Mais les choses deviendraient criminelles si elles étaient découvertes. Tant pis, il y avait dans sa vie un être qui le gênait, il le supprimait, voilà tout. Pas une minute, il ne songea que son monstrueux égoïsme méritait la réprobation de sa conscience. Cependant, il eut un frisson, et son pâle sourire se figea sous ses élégantes moustaches lorsqu'il s'imagina l'existence de la petite innocente qu'il condamnait et exécutait ainsi sans miséricorde. Il secoua la tête pour en chasser d'importunes évocations, mais malgré lui, il entrevit la fillette blêmie, meurtrie de coups peut-être, tombée entre les mains d'il ne savait quelle misérable brute, son pauvre corps bleui d'échymose, sanguinolant d'éraflures, jusqu'au jour où la martyre serait courbée vers d'abominables métiers. Et des récits de journaux lui revinrent en mémoire, des bribes de faits divers qui avaient excité son indignation. « Est-il possible qu'il y ait de pareils monstres ? » s'était-il écrié alors. « Cela défie toute humanité !» Maintenant, les sourcils froncés, la gorge sèche, il niait cela. « Des enfants martyrs, allons donc, des fables !» pour apitoyer les gogos et remplir les colonnes des journaux. La demi après 10 heures sonnait à la pendule. Il alla à la fenêtre, examina l'hôtel et la cour. Tout dormait paisiblement. « À l'œuvre, » fit-il. « Encore cette corvée, ce sera la fin. » Résolument, presque sans se cacher, avec la conviction que tout lui réussirait, il se rendit auprès de Valentine. Cette fois, on avait jugé inutile de laisser une garde de nuit. La couchée avait elle-même insisté pour rester seule. Elle aimait mieux cela, elle se sentait tout à fait bien, n'avait besoin que de repos. Les grands yeux ouverts, la fille mère attendait son amant. Pendant des heures et des heures, elle avait contemplé l'adorable poupon qui allait être sacrifié, plongé dans un redoutable avenir, et une immense pitié débordait à présent de son cœur. Lorsqu'elle vit entrer Roger, elle eut encore une bouffée de révolte que le comte, d'un mot dur, éteignit, étouffa. « Pas de bêtises ni de sensiblerie, n'est-ce pas, ma chère ? Ce n'est pas le moment. Songez qu'une imprudence peut nous perdre. » Elle poussa un faible gémissement et de ses bras essaya de faire un rempart à la frêle créature sur qui retombait l'horrible poids des fautes ou des malheurs des autres. « Pauvre mignonne, » bégaya-t-elle. « Oh, Roger, gardons-la, je vous jure, je suis assez vaillante pour les élever, toutes les deux !» Le comte haussa les épaules. Son œil bleu, d'une froideur d'acier, se posa sur Rose-Aimée sans qu'un nuage de miséricorde vînt le voiler. « Demain matin, » dit-il sèchement, « on t'amènera la fille légitime des charmeuses. Ta fille, Valentine. Quant à celle-ci, elle est de trop. » Valentine essaya une dernière tentative. « Mais on me demandera certainement ce qu'est devenue celle qui passe pour mienne. Comment expliquer? Que dire ?»« Tu répondras à toutes les questions qu'une nourrice de campagne est venue la chercher, en l'absence du concierge, qui doit être en train de se griser à l'office, suivant son habitude. Je le chasserai du reste. » Tout en parlant, il prit le bébé. Mais la blancheur des langes le gêna. Il regarda autour de lui, aperçut un assez fort lambeau de serge noire, et il enveloppa le doux chérubin qui, éveillé, fixait sur cet homme ses yeux vagues et profonds, sans regard, et le comte eut peur de ses angéliques mirettes. La serge noire, comme un linceul honteux, recouvrit brusquement la tête de Rosémée. Dès lors, ce ne fut plus qu'un paquet, un chiffon, un rien, que Roger cachait sous un ample par-dessus entrouvert. Puis, très vite, pour échapper à ce qu'il appelait de nouvelles jérémiades, il sortit de la loge. Quelques secondes plus tard, il était dans la rue, marchant rapidement, délesté des gros soucis qui avaient failli gâter sa vie d'oisif vautré dans la basse inutilité où la noblesse achève de pourrir. Place de la Concorde, il héla un fiacre, en dissimulant sans peine le paquet. Il jeta cette adresse. « À Montmartre, cabaret des assassins, sur la butte. »« On connaît ça, patron. J'arrêterai au coin de la rue Saint-Vincent. Mais c'est raide à grimper. Un louis de pourboire. Alors, on se déguise en éclair, mon bourgeois ?» Le sapin fila bon train jusqu'au boulevard Rochechouart. Devant l'Élysée-Montmartre, des voitures stationnaient. Des filles descendaient l'escalier, dans la lumière bleuâtre de l'électricité, rigoleuses, les jupes haut troussées pour montrer leurs dessous, et, en face, dans l'ombre du large trottoir central, sous les arbres frileux, des types louches, un bout de cigarette éteinte au coin des lèvres, le dos bombé dans le mince veston, les mains aux poches, surveillaient leurs lésées, leurs femmes, lancées sur le grand chantier du Turbin. Maintenant, la voiture gravissait la pente à pic, tournant autour de l'Élysée-Montmartre par les petites rues avoisinantes. Le comte Roger regardait à travers les vitres, rêveur. De lointains lambeaux de musique lui arrivaient, des motifs de quadrilles échevelées ou de valses langoureuses. Puis, brusquement, les dernières rumeurs de noctambulisme et de vadrouille montmartroise s'éteignirent. Il n'y eut plus que l'obscurité et le silence glacial des ruelles tortueuses, bordées de maisons pauvres, que surplombait la butte toute noire, avec, sur le fond gris du ciel, la dentelle fantastique des échafaudages du Sacré-Cœur, monstrueuse toile d'araignée tissée sur Paris. Le fiacre dépassa les interminables escaliers accrochés au flanc de la colline que dominaient, dans un éloignement de rêve, les massifs réservoirs, farouches à bas de pierre, comme une avancée de citadelle antique dans la nuit. Au fait, s'il abandonnait l'enfant là-haut, tout simplement, avec une liasse de billets de banque dans les langes, c'était tentant, à la grâce de Dieu, et allez donc. Sous son pardessus, contre sa poitrine, il serrait le pauvre paquet informe qui s'en allait vers de noires destinées. Sur le sommet de la butte, il fit arrêter et descendit, seul. Il s'orientait, regardant à ses pieds l'infini enchevêtrement des toitures qui fuyaient, comme un troupeau de bêtes apocalyptiques, vers des horizons invisibles, dans le souffle immense et confus du Paris nocturne. Il eut encore son haussement d'épaules, aristocratique et dédaigneux. Paris, un entassement énorme de bêtes et de gens, courbés sur le labeur sans fin, dans la production des choses bonnes, seulement pour lui et ses pareils, pour la satisfaction des appétits des millionnaires. Et il passa, s'engouffra dans une ruelle à pavés pointus où, sur la devanture des boutiques fermées, il entrevoyait des enseignes de commerce religieux, toute la quincaillerie du bon Dieu, les chapelets, les statuettes, les livres de messe, les imageries de miracles, un coin de Lourdes transporté tout endormi sur les hauteurs de Montmartre. Tout à coup, la rue plongea d'une pente raide sur l'autre versant. Paris disparut, et ce fut, vers Saint-Denis et Saint-Ouen, une échappée sur des plaines mornes noyées d'ombre, d'où montait le coup de sifflet affaibli des trains de banlieue dont on apercevait par intervalles les longs serpents vaguement lumineux. Puis, ce fut, à gauche, un boyau de boue, avec, d'un côté, des soubassements de pierres effritées soutenant des maisons et des jardins de leurs contreforts espacés. De l'autre, une palissade de planches noires, sur laquelle des petits joyeux avaient écrit à la craie le secret de leurs amours, des cœurs percés d'une flèche, des images grossières ou immondes, avec des exergues de ce genre. Gugus s'est offert une fricassée de museau avec Nini. Le grand Jules gobe Thérèse. À Titine pour la vie, Popol. La mémé à Victor est un rien bat au pieu. Vive l'hôtel du tapis vert! Et derrière les planches, vaguement éclairées par un vieux réverbère, c'était, dévalant vers le bas du versant, un vaste jardin, un parc aux arbres séculaires, une forêt vierge en miniature, un recoin de nature et de pureté. Soudain, le comte perçut un grésillement de rires enfermés, des voix qui chantaient en chœur et, perdu dans le rauque concert, l'aigre accompagnement d'un piano essoufflé et criard. Roger regarda autour de lui. Il se trouvait au croisement du boyau qu'il venait de quitter, la rue Saint-Vincent, et d'une pente escarpée qui dégringolait, caillouteuse et ravinée, la rue des Saules. À sa gauche, au-dessus du mur, des cyprès montraient leurs cimes noires qui se balançaient avec des gémissements doux, des croix de pierre blanche, des fêtes de chapelles funéraires, le vieux cimetière où pesait la paix immuable des éternels sommeils. Et à sa droite, c'était bien le cabaret des assassins, tapageurs, gueulards, d'où, par les fentes de la porte et des fenêtres closes de volets pleins, s'échappait le tumulte des voix perçantes et des verres tapés à tour de bras sur les tables. Devant la porte, soutenue par des contreforts de bois, une petite terrasse de terre battue avec une table et deux bancs. Et l'enseigne était peinte à même le mur, un lapin qui gambadait sur les lettres de l'inscription « Au lapin agile ». Fréquenté certains jours par des littérateurs et des artistes en veine de villégiature, le cabaret du lapin agile ou des assassins devenait à d'autres moments le rendez-vous des belles de nuit qui, accompagnées de leurs amants de cœur, venaient rendre des comptes ou se payer une tournée de vin blanc. La mère Gisèle, souriante et solide, accorte et plantureuse, versait à boire, aidée d'une bonne à qui les consommateurs pinçaient les fesses à tous les coins sans qu'elle songeât à protester. Au contraire, le comte poussa la porte et entra. Une quinzaine de consommateurs, des hommes aux foulards rouges noués autour du cou, quelques rapins à longue pipe, des poètes de sous-sol à chevelure fatale, des filles en cheveux, buvaient et fumaient dans une salle étroite où, à la lueur falote de deux quinquets suspendus au plafond, évoluaient des nuages de fumée. Roger s'arrêta, suffoqué, puis, prenant son parti, pénétra dans la salle et s'assit à une table sans que personne eût paru le remarquer. « Bis ! Bis !» criait en ce moment l'honorable société. Debout, dans le fond, près du piano, un chanteur d'occasion annonça « Le pou et l'araignée, sur l'air connu !» « Si tu veux te donner deux sous de plus, je te ferai voir la lune !» Et sur la ritournelle enrouée du piano, il attaqua sa délicate chanson. Cependant, Roger faisait des yeux le tour de la salle, et il commençait à désespérer de trouver celui qu'il venait chercher, lorsqu'il le vit, tout à coup, à deux pas de lui, attablé devant une pile de soucoupes, près d'une grande femme rousse qui discutait avec la mère Gisèle. Finalement, la belle paya les consommations en riant. « Ce satané Ragdal, pas moyen de lui faire raquer, même un boc !»« Un principe !» affirma tranquillement le personnage. À ce moment, le comte le toucha à l'épaule du bout du doigt, non sans répugnance, et se penchant vers lui. « Voulez-vous sortir une minute? J'ai quelque chose à vous dire. » Ragdal s'était vivement retourné. Un sourire mince erra sur ses lèvres. Il se souleva, salua et prononça très bas « Mais comment donc? À vos ordres, monsieur le comte !» Roger eut un geste impératif et fixa Ragdal dans les yeux. Mais déjà l'autre avait repris sa figure des bons rastas, ne demandant qu'à rendre de tout petits services qui se payaient très cher. Les deux hommes sortirent. Et là, entre le cabaret, empli de clameurs, et le cimetière, muet, fut débattue l'affaire. Entre ces deux misérables, placés par le sort aux extrémités de la chaîne sociale, mais qui se rejoignaient dans leur commune infamie, tout fut réglé brièvement, en cinq secs. « Vous savez ce qui s'est passé au cabaret de Montmartre l'autre soir, » fit le comte Roger. « Inutile de tergiverser, je lis dans vos yeux. Jouons franc jeu et serré. » « En effet, j'ai cru remarquer une petite femme dont la situation était réellement intéressante pour tout le monde, Même pour vous, monsieur le comte. Et vous avez tout de suite voulu en profiter. J'ai vu poindre le chantage. C'est votre métier, n'est-ce pas? Quand les autres ne rentrent pas, comme vous dites. Pardon, je suis journaliste, impresario, agent de publicité, homme d'affaires. Véreuse? Savez-vous lire seulement? Je signe Rocaise. Un nom de grec. Vous faites surtout les poches. Et somme toute, vous êtes ragdale. Pour vous servir, monsieur le comte, je le répète. Eh bien, c'est fort simple. Je suis assommée par une petite sotte de provinciale. Elle ne compte plus ses amants, mais celui qu'elle juge le plus riche doit être naturellement le père de son enfant. Et c'est vous, cher comte? Moi ou un autre, pour un bras, pour une jambe ou pour rien. Pour la peau, Narga Ragdal. N'importe, c'est moi qui paierai. Bref, voici 50 000 francs pour vous taire d'abord et faire élever l'enfant ensuite. Il est entendu que je ne veux plus entendre parler de rien. Nib de nib, rien du tout, renchérit le gredin enthousiasmé en s'emparant des grosses liasses soyeuses. Ah, contre G, entre nous, c'est à la vie, à la mort. Merci, je n'en demande pas tant. Suivez-moi. Il le ramena par la dégringolade des chemins noirs jusqu'à sa voiture près du moulin, pardon, de la source de la galette cléricale, le Sacré-Cœur. Il jeta de louis au cocher, disant « Conduisez, monsieur. » Et à Ragdal « Le colis en question est là. Ayez-en soin. « Il est un peu encombrant, mais soyez tranquille. » J'y compte. Le colis, le misérable paquet enveloppé de serge noire et dissimulé dans le fond du fiacre, c'était la fille de la comtesse de Charmeuse. C'était l'enfant de l'amour qui, né dans l'opulence, allait entrer dans la vie par la porte de misère. C'était le tendre et doux chérubin condamné, rejeté par le comte, et promis des 7 minutes à toutes les douleurs, à toutes les tortures imméritées. C'était la petite rose aimée. Roger disparut, c'était la nouvelle année, et il se promettait de la mener joyeuse, celle-là. En tout cas, il commençait bien. En voilà un Chopin qui me tombe du ciel ou d'ailleurs, murmura le sinistre Rocquez, dit Ragdal. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi, les mômes, c'est pas mon affaire. Un sourd et triste vagissement lui répondit, lamentable plainte de l'ange, qui repliait ses ailes frémissantes et glacées devant les mortels abîmes où on le penchait, où on le précipitait. Ça pince dur, observa le cocher. Où allons-nous? Ragdal, devenu facétieux dans sa nouvelle fortune subite autant qu'inespérée, s'écria en se frappant le front. Mais chez Chopin lui-même, parbleu! Il y a une éternité que je le néglige, ce vieil ami, ce cher gibet. Et sa femme, donc. Et où perche-t-il, bourgeois, votre gibet Chopin? À Belleville.